Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. Hello guys and girls and welcome to the second episode of the playlist. Ouais, je parle bizarre, mais vous allez comprendre après. La formule est trouvée et elle ne change pas. La seule chose qui change, ce sont les invités, et même les invités EES, puisque pour la première fois de l'émission, je reçois une femme, une girl, une vraie, une meuf. Femme aux 10 000 RT qui se nourrit de la Grande-Bretagne par intraveineuse. Nous sommes le 4 novembre 2015 et c'est parti pour la playlist de Musica du Yémen ou Musica, on ne sait jamais en fait. Alors comment ça va, Musica? Bah ça va, ça va. Je suis contente d'être là. Il est tard au pays de Candy, au pays d'Outre-Manche. Non, même pas. Il est à peine 20h. Oh bon, ça va. Ouais, ça va. J'ai toute la soirée devant moi, donc ça va. Tu es prête à mettre ta street cred en jeu avec la playlist idéale de All the Universe qui sera jugée par nos 3 auditeurs tristes? Mais tout à fait. Alors je te propose un truc. Vu que tu parles très bien anglais, c'est toi qui vas donner les titres si je me plante. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Si tu veux. Alors on va commencer doucement, tranquillement, mais pas par la Grande-Bretagne, mais avec du jazz à l'américaine de 1958. Sur l'album Jazz As Played in an Exclusive Side Street Club, My Baby Just Cares For Me de Nina Simone. Alors on commence tout doux. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Alors pourquoi celle-là? Ben en fait c'est parce que j'adore Nina Simone. Et la première fois que je l'ai écoutée, j'étais... je crois que j'avais moins de 10 ans. Je me souviens en fait... Oh, c'est la semaine dernière. Non, je me souviens en fait très bien du jour où j'ai écouté pour la première fois. C'était... Alors je ne me rappelle plus quelle année malheureusement, mais j'avais moins de 10 ans, ça c'est sûr. Je me souviens sur la 5, le midi, il y avait une sorte de... C'était pas midi les zouzous, mais ça s'appelait la 5e, je crois, à l'époque, ouais. La 5, ça s'appelait la 5e. Il y avait un programme pour enfants à midi où il passait vraiment que des cartoons, mais vraiment des cartoons américains. Et un jour, il passait ça, enfin un clip tout en pâte à modeler et tout. Et je l'ai mis de côté, je l'ai mis sur YouTube, je vous le mettrai en bonus dans les l'émission. Oui. Mais le clip est magnifique. C'est... Et je regardais ça, mais j'étais petite, je connaissais pas, et toi, j'étais... Oh, mais c'est trop bien. C'est avec cette voix féminine qui est très très grave, tout ça, c'est... La musique est vraiment géniale, elle est douce, mais le piano... Enfin, de toute façon, Nina Simone, le piano, c'est exceptionnel. Et j'étais fascinée par ça. J'adorais ce morceau. Et... Donc je crois que je sais plus, après, en début des années 2000, en 2003, 2004 ou 2005, je ne me rappelle plus exactement l'année, je vois aux infos Nina Simone décédée. Et il passe un morceau de ce clip et j'étais « Merde !» Mais, parce qu'en fait, je ne connaissais que celle-là de Nina Simone, et c'est ça. Et donc après, c'était « Oh putain, je connais qu'un seul titre, mais c'était tellement bien !» Ah, j'avais adoré. Et cet été, j'étais allée à l'Expo Hardman, et j'ai vu qu'en fait, dans leurs tout premiers travaux, avant les longs métrages, je crois, voilà, c'est vraiment mieux, enfin, je sais plus exactement, je tombe sur ce clip, tu sais, c'est un extrait, et je vois, c'est... Mon Dieu, c'est eux qui ont fait ça. Mon Dieu, c'est tellement bien. Ah, mais c'est... En plus, j'adore le studio Hardman, donc j'étais vraiment ravie. Stuart Mann, c'est ceux qui ont créé Wallace et Gromit. Exactement. Qu'ils ont fait aussi Chicken Run, je crois. Chicken Run, les pirates bons à rien, mauvais en tout, quelque chose du genre. Mais oui, ils ont fait énormément de trucs et ce studio est exceptionnel. Et la musique, voilà. La Simone et tout. Spécialisé en animation de pâte à modeler. Ah oui, non mais c'est. J'ai aussi un énorme respect en fait pour le cinéma d'animation et surtout en 2D stop motion, c'est incroyable. Et voilà. Alors, c'est étonnant parce que tu commences par une chanson américaine et pas britannique. Non, moi je me rattrapais après. Oui, ça, on a remarqué. Mais mais après c'est parce que j'ai une préférence pour la culture britannique. J'adore aussi la musique britannique. Bon, pas tout, mais il y a beaucoup de trucs que j'adore chez les Britanniques. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas la musique américaine, notamment le jazz. J'aime beaucoup le jazz. C'est même il y a d'autres groupes. La folk américaine, c'est absolument génial. Donc, mais j'ai rien contre. Après, c'est juste j'ai une légère préférence pour les Britanniques. Après, t'es pas très métal, musique qui bouge, non, choses comme ça. Le rock, je le suis un peu après. Bon, tout dépend quel sous-genre du rock, on va dire. Mais oui, après. Après le rock, tout ça, le rock américain, rock anglais, le jazz. Enfin, j'ai plein de genres en fait. Faut juste, c'est juste le metal ou hard rock là, j'ai un petit peu de mal. Je peux écouter, mais c'est un peu plus compliqué. Pas de moi-même en tout cas. Eh ben cette fois-ci, on va être obligé. Ce sera un beaucoup beaucoup plus british, surtout très très très encore vivant maintenant en fait, oui. Avec un titre de Paul McCartney de 1971 sur l'album Ram. Uncle Albert, Admiral Eisley, je crois. Mm-mm, c'est ça. C'est ça. We're so sorry, Uncle Albert. Il fallait que tu nous colles un Beatles. Ah bah oui, non mais c'était obligé. Je l'aurais pas fait, je me serais renié là. Je me serais renié moi-même. T'imagines le concept là ? C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Non mais bon, j'étais obligé, surtout cet album, quoi. Ram, Non, c'est pas le premier album de McCartney que j'ai acheté. J'ai acheté le tout premier en plus de McCartney, celui qui était juste avant, mais je me rappelle plus le nom. Et celui-là, c'est le deuxième. Mais il est tellement bien. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est le. Enfin, j'avais lu que beaucoup le considéraient comme le meilleur album de McCartney. Mais je comprends tellement en fait parfois, même s'il a fait d'autres albums qui sont absolument géniaux. Mais celui-là, il est magique, je trouve. Il a un côté un peu, j'ai envie de dire folk, mais dans le sens traditionnel du terme, et un peu altermondialiste, j'ai l'impression. Bon, après, ça n'engage que moi. Un peu été, tout ça, c'est l'ambiance dans laquelle ça me met, et j'adore ça. Surtout ce morceau-là où on entendait à un moment l'orage, moi ça me fait penser à un orage d'été et tout ça. Et j'aime bien ce titre, en fait, qui relie justement deux titres. C'est une sorte de mash-up, quoi. Et voilà, c'est McCartney, c'est un dieu. On sent bien le style Beatles de l'époque. Ah oui, oui. Le mélange des influences, et puis des petites de son, quelqu'un qui parle dans le fond, et des personnes qui se répondent, les voix, les chorus, c'est vraiment, vraiment les Beatles. Ouais, voilà, Linda McCartney, là, qui a... En fait, je crois que l'album, je l'ai plus sous la main, mais c'est... Je crois qu'il est, il est crédité Paul et Linda McCartney. C'est très corporate en fait. Et donc on l'entend énormément dans les chœurs. Et à un moment, quand on entendait parler quelqu'un parler au téléphone, c'était en fait McCartney qui imitait l'accent de Liverpool, mais très très très prononcé. Et encore, j'ai entendu pire à Liverpool. C'est parce que les gens de Liverpool, ils font les H, ils font R. Donc, ouais, donc la première fois que j'ai entendu quelqu'un de Liverpool à Manchester, je savais pas qu'il était de Liverpool, je croyais que c'était un Allemand. Et en fait, on m'a dit, il est de Liverpool. Ah, mais ça parle comme ça. Voilà. Across the water. Oh là là. J'adore ce passage. Across the sky. Oh, c'est là que je la laisse se ridiculiser en fait. Across the water. J'assume. Oh. Across the sky. Et heureusement, t'as pas la vidéo. Parce que ça aurait été encore plus pénible. Oui, non, non. Peut-être dans le futur, quand tu feras un deuxième passage dans la playlist, on fera en vidéo, ça va être super. Bah, faut un Guitar Hero Paul McCartney ou un truc comme ça. Ah non, mais arrête, j'économise pour. Non, je déconne. Mais non, dans l'absolu, j'aimerais bien. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais non, mais après, RAM, c'est vraiment un chef-d'œuvre de McCartney. McCartney, c'est mélodiste de talent. Il y a pas à dire, j'adore McCartney. C'est, voilà, j'adore les Beatles, j'adore McCartney. Voilà, il y a pas à aller plus loin. Et puis apparemment, cet album-là, c'était un an après la séparation c'est avec les Beatles. Mais le deuxième album, le premier, il avait sorti en 70. Mais parce que bon, c'était un peu compliqué. Je crois qu'il avait foutu les autres Beatles en procès. Parce que c'était un peu... Ah, bonne ambiance. Ah, mais la séparation, elle était un peu compliquée. Mais aussi... Enfin, voilà, après, je sais plus exactement tous les détails. De toute façon, je n'y étais pas. Mais après... Mais après c'était un peu compliqué, mais vers la fin ils se reparlaient quand même chacun. C'est parce que c'était des amis vraiment quasi d'enfance, quoi, en tout cas d'adolescence. C'était vraiment des amis, puis même s'ils s'étaient fait la gueule à un moment donné, que ce soit Harrison avec Paul McCartney, Lennon et McCartney, voilà, au final ils se sont plus ou moins tous reparlés après. Mais bon, le hasard a fait que un espèce de connard tire sur un mec absolument génial et talentueux, mais enfin voilà. Sinon, ça serait reformé, et alors là, j'aurais vendu mon âme pour y être. Plus ou moins. mais comment t'as connu les Beatles et McCartney en fait ? J'ai connu ça il n'y a pas très très longtemps. C'est-à-dire, j'avais. Enfin, il n'y a pas très très longtemps. J'avais 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans. Et le premier album que j'ai acheté, c'était, que l'on m'a offert, c'était pour mon anniversaire, c'était Abbey Road. Et c'est comme ça que j'ai vraiment connu. J'avais déjà entendu un peu par moi-même et tout ça. C'est là que je me suis dit, ah putain, c'est absolument génial. Mais le premier album que j'ai eu, c'était Abbey Road. Et là, quand t'écoutes McCartney, Lennon, tout ça, tu fais, ah. Oh. C'est trop bien. C'est exactement ce que j'aime en fait. C'est un genre de musique que j'adore, très très mélodieux. C'est un peu, après tout dépend des albums, mais c'est un peu rock, tout ça. C'est un peu parfois psyché. C'est j'aime bien. Ça fait un peu coloré en fait la musique, et moi j'aime beaucoup ça. Donc j'ai tout de suite accroché en fait aux Beatles quand j'ai entendu. Et voilà. Tu as été cette jeune groupie qui n'a pas pu voir son groupe préféré. Je pleure toutes les larmes de mon corps en repensant à ça. Ouais. Tu bois beaucoup plus d'eau alors. Voilà, ça fait un peu beaucoup d'eau. Non, mais bon, voilà, après c'est. Mais voilà, mais au final, c'est un ton groupe que j'ai découvert relativement tard. J'avais 17-18 ans. Donc bon, mais. Ça, on s'en fiche, la passion reste la même. C'est un peu le truc de l'enfance d'ailleurs. On va quitter les buveurs de thé de Britannique pour trouver d'autres buveurs du thé, mais des mieux. Je les préfère, ceux-là. Un titre venu de l'enfance directement from Japan, issu d'un film d'animation de 1988, Sanpo par Joe Hisaishi. C'est le thème d'ouverture de Mon voisin Totoro. Ah, cette espèce de cornemuse avec le tambour, c'est absolument génial. Espèce de marche de fanfare. Ah oui. Ah, j'adore ce thème. Je l'ai dans mon téléphone. C'est une des rares musiques que j'ai dans mon téléphone. J'ai énormément de musique de Ghibli dedans. Ah. Watashiwa Geki. Putain. Alors, t'es quand même un peu jeune. Pourquoi Totoro, vous avez vu la sortie ciné Pas la sortie ciné, mais c'est un film d'enfance, moi. Clairement, c'est. Je me souviens aussi très bien, c'est la première fois que j'ai vu un Ghibli, c'était Totoro. Et ma grand-mère m'avait offert la cassette à l'époque de Totoro. Elle savait même pas ce qu'elle achetait en fait, mais elle nous l'a offert. Ah, mais j'ai adoré. Et je me souviens très bien des fois dans le jardin de mes grands-parents de faire du vélo et un petit vélo tout ça et chanter ça en yaourt parce que je parle pas un mot de japonais donc je faisais n'importe quoi, mais c'est clairement un thème d'enfance. Et puis bon, Hisaishi aussi, c'était un très grand compositeur. Je crois qu'il y a plus, c'est même plus à prouver, ça c'est, il est excellent. Voilà, il en a fait d'autres, des très très belles, notamment le. Alors je me rappelle plus du nom, mais la musique de Chihiro, elle est magnifique. Il y en a plein d'autres. La Puta, le Château dans le Ciel, etc. Il y en a d'autres des magnifiques. Porco Rosso, Princesse Mononoke, qui est absolument magnifique. Exactement. En orchestral, avec tous ses chœurs, c'est génial. Exactement. Mais il y en a beaucoup. Il y en a fait vraiment des magnifiques. Je voulais le mettre absolument. Et j'ai hésité un peu avec justement la musique de Chihiro. Mais au final, c'est celle-là que. J'ai choisi celle-là parce que c'est vraiment une musique qui m'évoque l'enfance, moi. Et en plus, c'est une musique d'enfance. Et je crois que c'est peut-être pas le. Enfin, oui, c'est peut-être le Ghibli que je préfère. J'ai pas vraiment pensé à ça. Mais voilà, c'est vraiment l'enfance, ça. J'adore voir Totoro. Et j'adore écouter cette musique. Et en plus, c'est un film vraiment sur l'enfance en elle-même. C'est ça, donc quand tu le vois à 5 ans, c'est complètement adéquat, quoi. C'est complètement raccord et j'adore cette ambiance. C'est vraiment l'ambiance bucolique, hein, j'allais dire campagnarde. Non, c'est plutôt bucolique et c'est très innocent. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Avec une forme de magie qu'on soupçonne pas. C'est ça. Il y a quand même des grands passages où moi ça me fait cet effet-là. Je regarde ce film, j'ai 5 ans et demi, c'est terrible. Mais c'est ça. C'est ça, en fait. C'est vraiment pour te remettre dans l'enfance, tout ça, le côté magique et tout. Mais n'importe quel gamin rêverait dans ce film, je pense, s'il le voyait. Enfin, moi, c'est un plaisir de le voir. C'est toujours un plaisir de le voir, d'ailleurs. Et c'est toujours un plaisir d'entendre cette musique. Ça me rappelle vraiment cette période-là de Totoro et tout ce qui tourne autour de l'enfance, quoi. Et puis, ça a beau être un film, on va dire, plutôt joyeux, un thème joyeux. Le thème en lui-même du film est quand même assez triste. C'est ça. Mais moi, au début, je m'en rendais pas complètement. Enfin, après, bon, évidemment, quand t'es enfant et quand t'es adulte, tu n'as pas forcément la même lecture d'un film ou ça. Mais c'est vrai que c'est pas très. Il est pas très gay, ouais, maintenant que je m'en suis rendu compte des années après. Mais ouais, c'est vrai, c'est pas très très gay, quoi. Mais non, au final, je trouve ça très optimiste. Franchement, ça fait du bien. Une bouffée d'air frais, moi je trouve, justement. C'est très bien amené d'ailleurs, ce côté triste. Mais moi je m'en rendais pas compte, hein, gamin, que c'était triste. Hein. Je comprenais juste que la maman était à l'hôpital, mais c'est tout. Quoi. Je voyais pas au-delà. Maintenant je me dis ah oui, quand même. C'est pas oui, d'accord, je comprends. C'est ça qui est dingue avec les films de Ghibli, si tu as 2, 3, 4 interprétations possibles suivant à quel âge tu regardes et quel sous-entendu tu peux arriver à accrocher avec tes petits yeux. Ouais, c'est très très fort. Oui, voilà, j'adore ça dans les Ghibli, dans les films d'animation, j'adore ça aussi dans les livres pour enfants. Il y a des trucs, des fois, c'est. En tout dépend lesquels, mais genre Peter Pan ou le Magicien d'Oz, t'as des niveaux de lecture qui sont assez. Qui diffèrent en fonction de l'âge, et j'adore retrouver ce genre de trucs-là, et voilà. Mais t'as pas un autre Ghibli en tête comme ça C'est-à-dire un autre Ghibli. Bah, parce que un autre Ghibli, je peux t'en citer, mais si après, tu veux qu'il soit relié à quoi. Non, mais après Totoro, deuxième thème, tu nous as parlé de Chihiro. Ah oui, Chihiro. Tu le mettrais au même niveau? J'ai peut-être un peu moins vu Chihiro que Totoro, mais comme je l'ai vu plus tard. Ouais, Omar, non, comme le nombre de fois où j'ai vu Totoro, je m'en souviens très bien. Donc. Ce moment où la petite Mei arrive sur le ventre de Totoro et il lui fait montre toutes ses dents avec. Et elle regarde, elle fait pareil, c'est génial. Ouais, et elle fait. Comme ça, c'est. Non, mais Mei, elle est adorable. Je vous le dis, un jour j'aurai un lit Totoro, je m'en fous. Mais moi ça va, j'ai déjà la paire de chaussettes et la petite peluche Totoro, donc ça va, je commence à me stopper doucement. La paire de chaussettes qui me vient d'Anna. Merci Anna pour les chaussettes. Ah, c'est pas la paire de chaussettes qu'elle a paumée Non, mais en fait elle m'a dit qu'on avait les mêmes, donc voilà. C'est copine de chaussettes. Non, mais c'est bien, il y a pire comme liaison, on va dire. Oui, de loin, mais... Après, ouais, juste après Totoro, je sais pas lequel je mettrais. C'est Chihiro, il est très beau. Mononoke, je l'ai vu qu'une fois, mais il était vraiment très très beau. Beaucoup plus violent, quand même. Beaucoup plus violent, oui. Tu le regardes pas au même âge. À 5 ans, je crois que t'as pas le même impact. Mais non, mais il est quand même magnifique, Mononoke, pardon. Après... Alors, pour rester dans le thème de l'enfance. Pour rester dans le thème de l'enfance... Ah, tu veux dire un Ghibli qui serait aussi d'enfance ? Ouais. C'est difficile quand même. C'est difficile, ouais, parce que je me souviens très bien de celui-là, et puis c'est bien plus tard que j'ai vu les autres. Donc, Est-ce qu'il t'a donné envie de regarder les autres Ghibli ? Ou alors tu l'as pris comme un film seul, tel quel, et... Quand t'as 5 ans, t'y penses pas. Hein. C'est, tu regardes un dessin animé, et puis voilà, quoi. T'y penses pas. Mais après, c'est sûr qu'après, quand tu vois d'autres dessins animés, d'autres Ghibli, tu dis « Ah, mais tiens, il y a des ressemblances, tout ça. » Et puis tu dis « Oh, c'est beau !» Et après, oui, c'est... Puis après, tu vois les similitudes, mais c'est... Après 25 ans, tu passes ton permis Chabus. ouais, bon, peut-être pas, mais... non, mais après, ouais. Non, c'est vraiment Totoro qui est vraiment mon Ghibli d'enfance, je pense. J'aime beaucoup les autres. Il y en a d'autres, j'en ai vu bien plus tard, mais ça n'a pas la même place. Ça n'a pas la même place. C'est assez bizarre, en fait. Apparemment, c'est le premier Ghibli de beaucoup, beaucoup de monde, parce que ça a été un des premiers à être passé sur Canal+. Ah ouais. À l'époque. Moi, je me souviens de Porco Rosso qui était passé sur Canal+. Ouais, aussi. Je me souviens que mon père avait voulu l'enregistrer. Enfin, il nous l'avait d'ailleurs enregistré sur la cassette. Mais ça, par contre, tu vois, j'avais à peu près le même âge que pour Totoro quand j'ai vu, mais j'avais beaucoup moins d'intérêt. C'est pas la même magie, on va dire. C'est pour moi, c'est... Enfin, un enfant de 5 ans peut tout à fait regarder. Enfin, si je me souviens bien du film. Mais après, non, c'est pas... Ça accrochera moins un enfant. Tandis que, voilà, Chihiro... Totoro, c'est vraiment un petit conte pour enfants, quoi. Qui peut être tout à fait regardable par un adulte, mais c'est un conte vraiment pour enfants. C'est peut-être... Après, je sais pas maintenant, avec Ponyo, ce que ça donnerait une génération qui aurait grandi d'abord avec Ponyo, ou qui aurait d'abord connu Ponyo, puis après Totoro, tout ça. Je sais pas maintenant ce que ça donnerait. Bah, apparemment, ça donne des blogueuses beauté, donc... oh, tout de suite. Bon, on va continuer avec une ambiance toujours tranquille. Ah oui, c'est très tranquille comme ambiance avec Musica. Ça change un peu de la semaine dernière et du gros bourrin qu'on a eu. Voilà. Mais cette fois-ci, on retourne en Angleterre. C'est une obsession, décidément. Donc, on retourne en 1987 sur l'album Nothing Like the Sun. On va s'écouter Englishman in New York. T'es vraiment accro. Tout ça, Englishman in New York de Sting. Cette intro. Oui, l'intro de la mort. I don't drink coffee, I take tea, my dear. Ah, puis il prend du thé, bien sûr, comme par hasard, bien en anglais. Sûr. Mais ça aussi, en fait, c'est un peu... Bah, de toute façon, il y a beaucoup de trucs... beaucoup de titres dans la playlist qui sont plus ou moins tirés de l'enfance. Et ça, je me souviens aussi, j'écoutais ça à l'école primaire. J'allais à l'école, ma mère m'amenait en voiture. Elle avait acheté le best-of de Sting, et il y avait celle-là. Et je crois que c'était vraiment celle que je préférais, c'était la première, c'était non pas la première d'album, mais c'était vraiment la première, le premier titre de Sting que j'ai connu. Mais c'est vraiment bien, c'est en plus, dans le refrain en fait, c'est pour anecdote à la con, pour le refrain il y a une sorte de bruit de fond, et je me souviens d'un jour où on l'avait écouté quand il pleuvait, donc il y avait les essuie-glaces, je me dis putain mais c'est les essuie-glaces en fait, et c'est... le petit pouf. Mais c'est ça, et après t'écoutes... Et après tu dis, mais il est que là l'essuie-glace tout ça. Et alors que tu vois toi dans le pare-brise, il marche l'essuie-glace, mais non. Et après c'est, révélation. Bon voilà, c'était l'anecdote à la con, mais moi j'entends toujours un bruit d'essuie-glace dedans. Voilà. Non mais voilà, Sting c'est pareil, c'est un mec qui a du talent, c'est le talent à l'état pur. Et c'est... Bon, c'est pas à l'état pur, mais c'est un type qui a beaucoup de talent. Et ce que j'aime bien dans Sting, c'est qu'il touche à beaucoup de gens, quoi. Il a fait un truc plus rock, il a fait des collaborations avec, par exemple, Cheb Mami, je crois que c'est. Ouais, donc... Ouais, c'est ça. Je croyais mettre... C'était plus récent, ça. Il avait fait, c'était après Brand New Day. C'est Desert Rose, ouais. C'est ça. Ouais. Mais je l'ai écouté, en plus, mais j'avais eu un doute sur le nom de Cheb Mami. Ouais, c'est ça. Et il a fait ça, il a fait des trucs plutôt rock, il a fait plutôt jazz lounge. Mais j'adore ça, le fait qu'il essaye plein de styles et que... Je trouve que c'est un très bon compositeur. Et ce que j'aime bien aussi avec justement cette musique, ça parle vraiment de quelqu'un qui n'est plus chez lui. Bon, là en plus ça me parle assez bien là. C'est vraiment l'étranger qui arrive dans la ville, enfin, dans un pays même qu'il connaît pas. Et voilà, qui doit s'affirmer. Et ouais, les paroles, je les trouve très bien. D'ailleurs, il le redit à... Il y a une phrase qu'il dit à la fin de la musique. Enfin, mais d'ailleurs là, comme il y a la musique, évidemment, j'ai du mal à me concentrer, donc à essayer de me rappeler les paroles. C'était Be yourself, voilà. No matter what they say. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc soyez vous-même, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Mais en fait, c'est tellement vrai et c'est tellement difficile à appliquer ça parfois. Et c'est surtout en fait quand t'es pas... Bon, là je vais pas dire j'ai vraiment de problème là, mais je veux dire, c'est déjà difficile d'appliquer ça quand t'es chez toi, dans ton pays, dans la ville où t'as vécu et tout ça, où t'as grandi. Mais en plus quand t'es dehors, c'est encore plus difficile. Et c'est... Bah, tout ça, on sait qu'après, quand on fait ce genre de voyage pour les études ou... Quand on est à des milliers de kilomètres de ses proches et tout ça, bah c'est des fois c'est compliqué. Donc après, j'aime beaucoup en fait ce que racontent les paroles là. C'est vraiment important. Et j'aime beaucoup comment il a amené ça d'ailleurs. Et puis il termine le morceau par un petit solo de clarinette comme ça. Je crois que c'est. Ah, je sais pas si c'est de la clarinette. Je crois que c'est du saxo ça. Un saxo un peu aigu, mais après je suis pas. Enfin, je suis pas une expert. Un truc dans lequel on souffle. C'est ça. Je te montrerai Pauline. Je crois que c'est du saxo, mais qui est pas au même, qui est un peu aigu. Mais après, voilà, on demandera à Pauline. Elle sera plus experte que moi sur ce sujet. Alors, n'oubliez pas de m'insulter dans les commentaires, bien sûr. Je vous l'ai dit, j'ai absolument aucune culture musicale. Mais t'as d'autres morceaux de Sting qui te seraient revenus à part celui-là? En fait, je connais pas vraiment tout la discographie de Sting. Mais il y a des morceaux. Il avait fait par exemple une reprise de. Comment ça s'appelle ? De Michel Legrand, ça s'appelait. Merde. The Windmills of Your Mind. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Les Moulins de mon cœur, quoi. Rien du tout. Il avait repris ça. C'était pour le remake du film L'affaire Thomas Crown. J'ai écouté ça, mais je suis tombée dessus par hasard. Mais c'est tellement magnifique. Je trouve qu'il a repris, mais d'une manière, c'est magistral. Il y a aussi... It's Probably Me aussi, que ça, c'était aussi un titre d'enfance. De toute façon, c'était aussi sur ce best-of. Donc, je crois que c'est la BO de L'Arme Fatale, je crois, non ? J'en rappelle. Probably Me, ouais, c'est possible. Il y avait aussi Shape of My Heart, qui est dans la BO de Léon. Ça, j'ai pas vu le film, donc, mais je connais pas... Celle-là, j'ai peut-être entendu, mais... Il y avait aussi I'm Mad About You, pardon. Qui est vraiment très joli aussi. Bon, le clip il est pas super, génial, mais enfin. Bon. Ah oui, tiens, pourquoi du Sting et pas du The Police? Bah parce que je le trouve meilleur en solo que dans The Police. Bah, il y a Roxanne qui est très joli, mais après, déjà je connais en plus peu, je connais assez peu The Police, mais. Mais c'est ça que je trouve tellement génial en fait en solo et dans The Police, mais en plus c'était ses débuts donc voilà quoi. C'est oh, Every Breath You Take. Every Breath You Take. Oh, c'est super flippant, d'accord. Oui. Bon, ouais, bon. Et surtout en fait quand tu mets ça en thème de mariage, ça fait un peu bizarre. Oui, ça c'est vraiment dégueulasse, mais. Ça fait un peu bizarre. Mais même celle-là, c'est même pas la mieux en fait. Je trouve qu'il est fait. Il a fait en solo celle-là aussi, non ? Every Breath You Take. On peut pas. Non, il était vraiment avec The Police. Bah voilà. C'est Roxanne, j'aime bien, mais sans plus. Every Breath You Take, je crois que c'est celle que j'aime le moins des musiques de Sting que je connaisse. Il y en avait une. Mais c'est Gina Bottle. Alors ça, je me rappelle plus. Walking on the Moon. Bah, Walking on the Moon, elle est marrante, mais sans plus, quoi. La musique, elle est bien, mais après, voilà. C'est pas grave. Ouais, mais non, mais vraiment. Je préfère en solo. Tu préfères Sting tout seul. Voilà, ça, j'aime bien Sting, pas les autres Sting. Bon, rassure-moi, tu as vu Dune. Est-ce que ça, c'est long? Bon, alors je vais te donner une bonne raison de regarder le film. Tu vois Sting en slip. Voilà. Je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai vu un extrait. J'étais quoi? Il joue maintenant? Il est acteur? Ah, d'accord. Non, mais ouais, faut que je le regarde. Faut aussi que je lise le livre. Enfin, j'ai tellement de choses à faire. Mais oui, il faut que je le fasse. Oui, oui. Mais je le ferai un jour. Promis, je regarderai Dune. Un jour. Bon, apparemment, tu n'es pas la seule à aimer ces deux Américains-là, puisque Fox nous en avait parlé dans l'épisode pilote. On va s'écouter un titre de Simon & Garfunkel, encore eux, décidément, oui. De 1970 sur l'album Bridge Over the Troubled Water, encore, oui. El Condor Pasa, ou un truc dans le genre. El Condor Pasa, ouais, la version originale. J'aime tellement. Non mais je suis désolée, on tombe pas. Il y a personne qui peut résister à une intro comme ça. Je suis désolée. Les fans. Non, pas du tout. Ah merci. Alors, quand tu m'as envoyé le mail et la liste, tu as dit à défaut de pouvoir mettre Bill Bridge Over the Troubled Water comme dans le pilote. Oui. Parce que, en fait, j'aurais voulu mettre Bridge Over the Troubled Water. J'aurais voulu la mettre. Mais j'ai pas envie de faire doublon. Et donc, Fox, je te hais en fait. Parce que la fois où j'ai écouté le pilote, je me suis dit, eh merde, il a mis. Putain, mais non, mais parce que parce que c'était celle-là que j'aurais mis automatiquement, j'aurais mis l'autre, voilà. Mais j'ai pas envie de faire doublon. Et puis celle-là, elle est quand même très très belle. Donc d'abord, je vais dire pourquoi j'ai pris celle-là. Enfin, bon, pourquoi je prends. Défaut. Pourquoi je la prends par défaut en fait, déjà c'est la deuxième de l'album, donc c'est celle qui vient juste après dans l'ordre, donc moi ça m'arrange. Non, c'est pas vrai. Mais dans 10 épisodes, vous aurez plus l'album. C'est ça. Mais oui, je milite pour mettre du Simon & Garfunkel. En plus, il y a 5 albums, ça devrait faire. J'adore en fait cette ambiance sud-américaine. C'est déjà dès l'intro, t'as l'impression de te réveiller en pleine montagne et de regarder la cordillère des Andes. C'est avec un lever de soleil et c'est franchement la vision. La vision est magnifique. Et là, t'as pris la version longue, en fait, je me rends compte. Enfin, la version longue. Retouchée. Parce qu'elle est beaucoup plus courte, en fait. Elle dure que 2 minutes. Et là, en fait, c'est... Mais c'est pas plus mal, j'aurais bien aimé qu'elle dure beaucoup plus longtemps, en vrai. Ah, c'est facile, tu trouves un groupe péruvien dans le métro, tu vas en avoir pour 3 heures. Et d'ailleurs, hein. En fait, ça s'appelle If I Could en anglais, et entre parenthèses, El Condor Pasa, c'était justement. C'est une des rares que. Si ce n'est la seule, parce que Oui, alors dans l'album en eux-mêmes, pas dans les bonus, parce que je connais quasiment tous les albums de. Voilà, par cœur. Donc voilà. C'est la seule, en fait, qui ne soit pas dans les. La seule reprise qui ne soit pas dans les bonus. Parce que dans les bonus, après, il y a plein de reprises folk, etc. Blues. Mais là, non, c'est la seule qui est une vraie reprise et qui n'est pas dans la playlist officielle. Et c'est une reprise justement du musique traditionnelle péruvienne, je crois. Et j'adore en fait cette ambiance-là très. J'aime bien aussi la world music et des fois entendre différents sons. Et. C'est ça que j'aime en fait aussi dans cette musique. C'est elle fait voyager, elle fait du bien. Moi, c'est une musique qui me fait du bien. J'aime entendre ça. C'est très aérien, c'est très contemplatif. Et, oui, c'est quelque chose que j'aime. Et juste 2-3 mots rapidement, c'est pourquoi j'aurais mis l'autre, donc Bridge Over Troubled Water en premier, c'est parce qu'en fait c'est la première où j'ai, c'est avec celle-là que j'ai vraiment découvert le groupe. Même si El Condor Pasa, j'ai déjà dû l'entendre une fois à la radio, mais je me rappelais absolument plus. Mais donc Bridge Over Troubled Water, c'est la première que j'écoutais en sachant qu'elle était deux. Et je l'ai trouvée magnifique, et c'est ça en fait qui m'a fait vraiment commencer à acheter les albums, à acheter. Ouais, vraiment écouter, c'est ça qui c'était vraiment le déclic pour ma fanatitude. C'était vraiment le déclic, et là, c'est vrai que la voix de Garfunkel est tellement belle dans Bridge Over Troubled Water, la musique elle est magnifique, donc voilà. Donc en plus c'est le dernier album du groupe, fait chier, voilà. C'est... Non mais c'est vrai, c'est pas juste. Ils sont engueulés, ça arrive dans les créatifs. Mais ils sont même pas engueulés, en fait ils sont séparés. Enfin ils sont peut-être légèrement engueulés, mais c'était pas tellement ça. C'était parce qu'en fait ils ont rencontré Mike Nichols, et donc Garfunkel a voulu donc a tourné dans un des films de Mike Nichols. Alors je me rappelle plus du titre. Je suis désolée, mais je sais qu'il y a Jack Nicholson dedans. Ah oui, ce. Quoi? Non, c'est pas Ce plaisir qu'on dit charnel, je me rappelle plus. J'ai pas vu le film. C'est voilà, j'ai pas vu le film. Mais il a tourné dans un film de Mike Nichols. Donc et c'est celui qui avait, je crois que c'était celui qui avait fait lauréat. Ouais. Mais vu de toute façon, ils ont fait la bande originale du film, donc voilà. Il a tourné dedans, et je crois qu'il devait y avoir Paul Simon aussi qui devait tourner, mais bon, au final ça s'est pas fait, et c'était pendant la production du dernier album. Mais sinon, il aurait dû y en avoir plus. Et c'était non pour une sorte de... Une connerie comme ça, de trucs de tournage, planning qui allait pas, d'ego aussi, parfois un peu mal placé, parce qu'apparemment, Paul Simon est talentueux, mais aussi un joli ego. Enfin, il a un peu un complexe d'infériorité. Et donc, voilà. Ah, c'est chanteur, alors, là. C'est incroyable. Mais... Non mais voilà. Non mais enfin aussi il chante pas mal Paul Simon, ça on peut pas dire hein. Dans Simon et Garfunkel il y a les deux. Mais ouais, donc c'est comme, je crois que c'est comme ça qu'ils sont séparés, mais ils sont toujours plus ou moins restés en bon terme. Ils sont jamais vraiment engueulés, et eux c'était vraiment aussi des amis d'enfance, donc voilà. Mais ils ont fait que 5 albums, ça m'énerve. Voilà, c'est j'en veux plus, ça c'est pas possible, vous pouvez pas me laisser un truc comme ça. Non, c'est pas juste. Voilà. Non mais voilà, c'est vrai. Et j'ai commencé par le dernier album à écouter, donc bon. C'est vraiment. Je peux pas dire que c'est le plus bel album, parce que pour moi ils sont tous super beaux, à part le premier qui est un peu moins bon que les autres. Mais après ils sont tous tellement bien et. Voilà quoi, c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a 2 ans, et ça fait partie de mes groupes préférés maintenant, si ce n'est. C'est le groupe que je m'écoute très très régulièrement, donc voilà. C'est pareil, j'étais obligée de le mettre. C'était comme les Beatles, enfin comme Paul McCartney et tout ça. J'étais obligée de le mettre. Voilà. C'était. Voilà. Je remarque que ça fait déjà 5 titres, et à chaque fois, c'est le premier titre de l'artiste que t'as que t'as écouté. Non, que en fait, la playlist, elle est très. Bah justement, en fait, j'ai fait un peu ma playlist comme ça. Quand on dit playlist idéale, etc., bah moi, en fait, je fais surtout une playlist très très personnelle. C'est des musiques qui c'est ce qui est un peu ce qui forge aussi mes goûts musicaux, mais c'est aussi c'est des titres très personnels. Il y en a beaucoup, c'est la plupart de, pas tous mais la plupart, c'est des trucs que j'ai entendu, premier truc que j'ai entendu qui m'ont fait accrocher et qui donc ont eu une place spéciale à ce niveau là où c'est vraiment aussi des fois il y a des titres qui m'ont donné vraiment la révélation de certains genres, par exemple Simon & Garfunkel, c'est vraiment c'était la révélation pour la folk, quoi. Je connaissais vaguement la folk, mais voilà. Mais depuis que j'ai écouté, je me dis, mais putain, mais c'est ça, quoi. C'est en fait, j'adore ça aussi. C'est vraiment un genre que j'adore, quoi. Donc voilà, c'est vraiment. En fait, c'est une playlist vraiment très personnelle, quoi. Voilà, c'est un peu différentes phases aussi de ma courte vie que j'espère durera un peu plus longtemps, quand même. Quand je ferai un hors-série qui s'appellera Folk You, je t'inviterai, il n'y aura que de la folk. Oh putain, oui, mais tu me laisses juste du temps pour me documenter. Oh, t'as le temps, on va faire ça pendant l'été prochain. Ça va, je vais pouvoir acheter des disques. tu pourras pas se faire tes études et tout, ça va être trop bien. Bah oui, ça va, ça devrait le faire. Alors tu as une réponse en live de Netofox qui t'a dit que t'aurais pu mettre une autre. de Simon Garfunkel, c'était Scissors Cut. Scissors Cut. Ah, de Art Garfunkel. D'accord, non, c'est de Art Garfunkel. Voilà. Mais alors ça, c'est... D'accord, ah, c'est pas chose. Du groupe. Hein. Parce qu'après, c'est... Bon, je suis un peu aussi les groupes séparés. Mais je suis un peu plus Paul Simon dans le comment dire, dans sa carrière solo. Art Garfunkel, j'ai pas trop suivi alors que c'était aussi celui que je préférais. Même si maintenant j'ai une place au même niveau, c'est juste pas les mêmes. Pas les mêmes genres et pas les mêmes talents. Mais Scissors Cut, je connais pas. Donc je peux pas dire, mais après voilà, c'est. Alors, tu verras avec lui sur Twitter les trucs musicaux. Oui, ça va, je pense que. Surtout entre fanboys. Oui, ça va, j'ai trouvé un copain pour discuter. J'ai trop. Oh mon dieu. Ne les invitez pas tous les deux. On va flouder ta timeline, t'as pas idée. Tu sais pas dans quoi tu t'es fourré. Bon. Eh mon dieu. Bon, on va retourner outre-Manche une fois de plus. C'est une sacrée manie, bordel de chiottes. Puisque, pour un titre en tête de tête de radio de 2007, sur l'album Ricooner, qui s'appelle Ricooner. Ouais. Là, ils font original. L'album Ricooner, c'est... Enfin non, c'est pas l'album Ricooner derrière, c'est l'album In Rainbows de 2007. C'est... Enfin, ah. Je m'implante-tu ? Te serais-tu plantu ? Voyons voir. Mais non, je... This is tout à fait possible. Mais je crois que c'est l'album In Rainbows. Je vais quand même vérifier avant de dire des conneries, ce qui me la foutrait un peu mal. Non, c'est In Rainbows. C'est bien ça. En effet, In Rainbows, autant pour moi. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour parler de musique. C'est pareil, en fait, Radiohead, c'est un groupe dont j'étais vraiment fan dans mon adolescence, quoi. Vers 15-16 ans. La semaine dernière. Non, c'est... j'aimais... Enfin, j'étais fan. J'ai tous les albums, en fait, de Radiohead. Donc oui, je pense que ça contribue un peu, en fait. Je pense qu'on peut classer ça comme... parmi fans. Mais oui, c'est un groupe que j'ai pas mal écouté dans cette période de mon adolescence. Et In Rainbows, c'est vraiment le chef-d'œuvre, moi, de Radiohead. C'est le plus... Des fois, ils ont fait des albums qui sont soit trop rock, enfin trop rock, trop grunge, je sais pas... J'aime bien, mais c'est pas ce qui me botte le plus. Soit ils ont fait des albums trop électro et trop, enfin trop électronique, trop expérimental et ça c'est pas très accessible après. Ah, ils commencent dans un style easy, ouais, bon. Mais enfin surtout Thom Yorke. Oui, bah de toute façon je crois que c'est lui qui compose plus ou moins le film, mais après je garantis pas non plus. Mais voilà, c'est In Rainbows, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Je le trouve parfait, parfaitement bien équilibré, il est aérien, il est mélodieux, il est... Bon, après les paroles sont toujours un peu perchées, mais bon, c'est pas... La voix de Thom Yorke, genre là, elle est magnifique, là. C'est... Enfin, j'adore cet album, c'est... Ça aussi, ça me rappelle donc la période de l'adolescence, tout ça, et plus que... Il y a beaucoup qui aiment... je crois que d'ailleurs, leur plus gros succès, c'était OK Computer. Mais ouais. Et là, le titre de Radiohead, c'est Creep. Ça, c'est... Ah bah oui. C'est celui qui m'ont, c'est le titre qui m'ont révélé. Pardon. Moi, j'aime bien la version acoustique de Creep, mais après... voilà, moi, c'est vraiment... c'est vraiment l'album à citer. Pour moi, c'est In Rainbows, quoi. Moi, je trouve que c'est une claque, hein, en fait. C'est... À l'époque, Radiohead, même je pense maintenant, je mets au même niveau que les Beatles, dans le sens où c'est un groupe qui essaie toujours de se renouveler, qui essaie vraiment de nouvelles choses, qui repousse plus ou moins les limites, en fait. Même au niveau... j'allais dire financier, mais au niveau économie musicale, enfin, d'économie autour de la musique. parce que In Rainbow c'était le premier album qui a été vendu sur internet, mais par mais chaque personne, enfin au moment de sa sortie, hein, maintenant on peut les acheter à un prix fixe, mais à l'époque on achetait l'album ou on le téléchargeait, on donnait ce qu'on voulait. On pouvait donner vraiment, si t'avais envie de donner 10€, tu donnes 10€, si t'avais envie d'en donner 200, tu donnais 200, si t'as envie de donner 1€ ou 50 centimes, tu pouvais donner ça. Et c'est... Ah, c'est même pire que ça, apparemment. C'était l'album était téléchargeable gratuitement et tu donnais ce que tu voulais en échange. Plus loin. Et depuis après, il est toujours resté dans ce... Tom York est toujours resté un peu dans ce trip là. C'est même le dernier album qu'il a sorti que j'ai pas acheté, que j'ai pas écouté. C'est qui a l'air assez électro. C'était justement, il avait mis en... c'était en partenariat avec BitTorrent, je crois, et on pouvait. On pouvait télécharger l'album gratuitement, je crois, et si on voulait, on pouvait donner aussi. Ou... C'était quelque chose du genre aussi, donc il est toujours resté dans ce truc-là, et il est contre Spotify, contre... parce qu'il trouve que Spotify, ça spoil plus ou moins les artistes. Donc depuis, il a tout enlevé, ce qu'il avait fait lui, ce qu'il avait... Il a enlevé tout Radiohead, en fait, de Spotify. Enfin, il l'a fait enlever. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé. 2014, c'est de Tomorrow's Modern Boxes, apparemment. Je suis en train de chercher. Merci Wikipédia, j'ai oublié de le dire avant le début de l'épisode. Oui. Ouais, c'est ça. Tomorrow's Modern Boxes. Ouais, il est sorti sur Internet, sur la plateforme de Peer to Peer BitTorrent. Ah oui, le dernier, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, je me rappelais même plus du site. Mais voilà, ça c'est un groupe qui innove, Maintenant, je suis un peu moins, mais je suis un peu moins dans le trip Radiohead, même si j'aimerais beaucoup, par exemple... voir en concert ou etc, c'est quelque chose qui me plairait, mais voilà, pour eux ils pourront pas faire mieux que, enfin, ou alors je veux bien être surprise, mais pour moi ils pourront pas faire mieux que In Rainbows. C'est il y a rien à changer dans cet album, tout qui est génial, ou presque, il y a quasiment tout qui est génial. C'est voilà, un de mes albums préférés. Et on continue dans les premiers albums que tu as écoutés des groupes. Ah, quand je disais qu'elle était très personnelle, hein, c'est voilà. Ne te dévoile pas trop, je suis sûr qu'avec Simon & Garfunkel, ça suffit. Bah, c'est vrai que Simon & Garfunkel, c'est pas comme si je tweetais des musiques régulièrement sur ça, non, c'est pas vrai. J'avais compté que j'avais tweeté au moins 5 fois les mêmes certains titres, non. Non, ce serait... Oh, c'était la fameuse 10 000 RT, il y en a à peu près 9 000 de Simon & Garfunkel, ça c'est pas... On parle pas vraiment, hein. Oui, voilà. Non, mais bon, c'est... Voilà, ça c'est ma base, ça. C'est des essentiels. Je peux pas passer autre. Bon, chose étrange, alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas trop, mais alors on va aller au Brésil. Ouais, ça, alors vraiment, au Brésil, direction le Brésil, et un petit peu les États-Unis, en fait, avec de la bossa nova. Ça, qu'est-ce qui se passe? Bossa Nova 1964 par Stan Getz et João Gilberto. Désolé pour nos amis brésiliens qui parlent le portugais, je crois. Et on va écouter Doralis. Seu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Alors là, c'est vraiment très très doux. J'adore cette musique. Mais quand je dis que j'aime les 60s, j'aime bien les 60s aux États-Unis, les 60s en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, mais j'aime aussi les 60s au Brésil. C'est ça. Au Brésil. Mais en fait, j'aime beaucoup la bossa nova, j'aime beaucoup la musique brésilienne. J'ai découvert ça quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. C'était ma mère qui avait acheté l'album. Et, mais le gros coup de cœur, quoi. Alors, j'ai pas mis The Girl from Ipanema parce que c'est vraiment le titre revu, c'est le titre ultra connu en fait de l'album et un peu de tout, quoi. Là, j'ai voulu prendre justement quelque chose qui était en portugais et que j'aimais beaucoup aussi. Mais ouais, en fait, c'est, voilà, je vais pas dire une passion, mais c'est parce que c'est un peu exagéré, mais c'est. J'ai vraiment un coup de cœur pour la musique brésilienne et un de mes regrets, c'est pas de parler portugais. pour pouvoir chanter ça. Mais je vous jure que c'est vrai, en fait. J'ai vraiment envie d'apprendre le portugais, mais comme ça, je pourrais comprendre ce qui se dit et je pourrais chanter sans passer pour une débile. C'est ça. Enfin, chanter pour moi, c'est-à-dire sur la douche. Alors, quand on chante des paroles qu'on ne connaît pas, il faut me le faire sous la douche oui, ou dans la voiture. Ah ouais, non, mais ça, ce genre de truc, moi, je peux même le faire dans la rue, hein, ça, c'est pas de souci. Hein. Ça, je le fais partout. Hein. Mais, ouais, mais... Non, mais c'était vraiment... C'est pareil, ça, c'est aussi le premier album qui... C'est comme ça que j'ai découvert la bossa nova et c'était... Et c'est tellement bien. Et quand je dis que j'aime la world music aussi, hein, j'aime beaucoup de gens au niveau de la world music et ça en fait partie, ça c'est vraiment indiscrenable. J'aurais pu mettre aussi Gilberto Gil ou... comment il s'appelle Je me rappelle absolument plus du nom de la musique et du mec, ça commence bien, mais... Par exemple, c'est celle qui avait servi pour une pub pour du soda, là, mais je me rappelle même plus. Esa mosata diferente, quelque chose comme ça. Oui, pour une pub Schweppes, c'est bien le problème, c'est que tout le monde a retenu Schweppes, mais enfin, pas le nom du groupe. C'est Chico, je me rappelle plus quoi. non, c'est le pas pire, c'est vraiment son nom, je rigole pas. C'est juste que je me rappelle plus de son nom de famille. Je suis désolée, mais. Non mais voilà, c'est après ce genre de truc, ça donne envie de danser, c'est chaleureux, ça donne envie de chanter aussi. Et c'est... Même si tu comprends pas un mot de ce qu'ils disent, même si tu ça se trouve c'est un truc super triste, mais tu t'en fous quoi. C'est juste voilà, t'es contente et c'est chaleureux. Ouais, mais t'as beau avoir ta famille qui a disparu dans un tsunami, t'es au bord de la mer et t'es là à la plage et il y a du soleil, donc à la limite, ouais, c'est triste, c'est mais bon, il fait beau. Mais après, j'ai pas du tout cherché à regarder pour Dora Liche ou pour ce que ça voulait dire, mais après, par exemple, les Samosa t'as dit FLNT, je crois. Je suis désolée pour ça. Mais c'était, je crois, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de séduire une fille et il n'y arrive pas, quoi. C'est. Et il dit du frais. Ouais, je c'est quelque chose de mélancolique tout. Et tout, mais. Et en fait, c'est une musique très dansante, tout ça, et très. Pas samba, mais. Et tu dis. Enfin, c'est dansant, mais pas non plus dansant, on bouge. C'est, on ah, ondule moi, ça un fait peu. Danser, quoi. C'est... Bon, après, je danse pas comme sur de l'eurodance, hein. C'est pas la même. Non, voilà, bah, c'est. J'ai pas dit qu'on dansait comme en boîte, mais on danse quand même, quoi. C'est. Moi, je sais pas, c'est le genre de truc, je pourrais mettre ça en fond sonore dans un salon, et puis après, voilà, je bouge. Non, mais voilà, ça c'est. Et voilà, donc cet album-là, pareil, c'est comme ça que j'ai découvert la bossa nova, et c'est. Ça aussi, si je mettais pas la bossa nova, j'aurais pas compris. J'ai tellement ça. C'est depuis tellement longtemps que je veux apprendre le portugais, bordel, que bon, voilà, c'était aussi obligé. C'est tellement joli. Tellement un classique. T'as jamais vraiment appris le portugais ? Non, jamais. J'ai fait l'italien en deuxième langue, mais bon, c'est. Disons que mes bases d'anglais étaient meilleures que mes bases d'italien. Ah bah oui, c'est pas vraiment les mêmes grammaires non, en après, portugaison. Bon, c'est mais... ça a des racines similaires, mais après, oui, bon, c'est pas. Voilà. Non, mais bon, après, c'est. Au final, je me rends compte, c'est pas tellement. C'est la langue est jolie, mais c'est pas ma langue à moi. Quoi. C'est pas la langue qui me correspond le plus. Mais c'est très joli, hein, quand même. L'italien, c'est très joli, et je veux le portugais. Voilà. Mais tu préfères le portugais C'est différent. Après, je me suis pas attaquée à la grammaire. Si ça se trouve, la grammaire, ça se brisait les dents dessus, quoi. Si ça se trouve, je sais pas. Donc voilà, mais. Ah mais c'est surtout le portugais brésilien, oui, je croyais avoir dit une connerie. C'est très doux en fait, c'est pas super triste comme le portugais du Portugal. Doux. Non, je suis pas raciste. Non, je suis pas raciste. Non, j'aurais été raciste si je disais que j'étais allé faire les ménages. C'est nul. Je suis désolée. Hein, pour... Non, mais non. Après, c'est voilà. Mais je trouve ça en fait plus doux l'accent brésilien. Et donc, si je apprends le portugais un jour, ça sera le portugais brésilien. Bon, voilà. Après ton retour d'Angleterre, tu peux aller au Brésil. Ouais, mais justement, faudrait peut-être apprendre la langue d'abord. Parce que je veux si bien tu me démerder. Au détail aussi, attends, tu vas apprendre sur si place. Si on s'arrête au détail. Ah bah oui, non mais si on s'arrête qu'au détail technique, on n'arrivera jamais à rien, tout à fait, mais sauf que là c'est quand même un gros détail technique. Bon voilà, on peut pas tout faire. Ça se tente, ça se tente. Non mais bon, un jour j'irai boire de la des Virgin Caipirinha au Brésil, hein, c'est sûr. Qui c'est que ça? Bah tu prends la Caipirinha, mais tu sais pas ce que c'est? Non, du tout. C'est un cocktail brésilien en fait, la caipirinha. Alors de mémoire, je crois que ça ressemble plus ou moins à du mojito, donc sauf que c'est brésilien. Il me semble. C'est un mojitao. Un mojitao. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, je sais qu'il y a, je crois qu'il y a du, alors il y a de la menthe, du citron vert, mais alors après, je me rappelle plus l'alcool en lui-même. Donc, mais c'est juste, voilà, c'est juste un cocktail brésilien, et donc, comme moi je bois pas d'alcool, je prendrai la version. La version sans alcool. La Virgin. Enfin, c'est ça, avec la limonade dedans, quoi. Oh, sympa, sympa. Bon, cette fois-ci, tout rentre dans l'ordre, puisqu'on le voit, on va avoir un morceau d'un groupe british par excellence. J'ai eu très peur, j'ai pas vraiment eu peur que tu me mettes pas, mais bon. Donc, on va écouter un morceau de l'album Abbey Road des Beatles, Because. Oh mon Dieu, que c'est beau. Alors, j'allais dire que c'était du clavecin, mais j'ai plutôt fermé ma gueule, puis on va redemander aussi à Paulina. Non, il n'y a pas de clavecin, c'est de la guitare, en fait. Ah bon? C'est une guitare, mais en fait, j'avais lu un truc rapidement là-dessus, c'était que pour ce titre, ils avaient décuplé leur voix et la guitare ça fait genre comme s'ils étaient 9, alors qu'ils sont 3. Mmh. Et la guitare, je crois, ça doit être plus ou moins pareil. Mais... J'aime beaucoup cette musique. Bah, autant tout à l'heure j'avais mis McCartney en solo, bah là je mets les Beatles, donc je pourrais pas passer à côté des Beatles. Et là c'est une composition de John Lennon, donc voilà, je pense que c'est assez équilibré. Même si j'aurais dû mettre du John Harrison dans l'eau, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Tu ne peux plus changer ta voilà. Playlist. T'as pas le droit. Non, je disais pas ça comme un regret, mais c'était après si je voulais vraiment bien faire, quoi. Mais bon, c'est... Il y a quand même eu John Harrison, faut surtout pas l'oublier, parce qu'il est quand même très bon. Et bah après, j'ai dit tout à l'heure, Abbey Road, c'est le premier album que j'ai écouté. C'est le dernier album du groupe, d'ailleurs. Enfin, c'est le dernier à avoir été enregistré. Après, c'est Let It Be qui est sorti en dernier, mais c'est le dernier album enregistré. Donc j'aime bien commencer par la fin, apparemment. J'ai fait pareil pour Simon & Garfunkel, j'ai fait pareil pour les Beatles, c'est très bien. Je commence par la fin. Oh la musique à la faucheuse. Oh non, arrête, c'est pas moi la chose. Quand tu commences à t'intéresser au groupe, il crève, il se dissoudent, il se dissolve. Non, ça, il avait déjà fait bien avant. Non, je suis désolée, moi je suis pas les gens comme ça. Non, je suis désolée, on pourra pas m'imputer la mort de Robin Williams. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que j'en ai parlé 2 jours avant que je sais qu'il est mort. C'est pas vrai. Si tu pouvais t'intéresser à Justin Bieber et One Direction, ce serait super. Ah mon Dieu. Bah oui, après, bon, juste. Bon, vraie musique, les Beatles. Because, pourquoi? Bon, c'est le premier album, d'accord. Oui, mais pourquoi ce titre-là? Bah déjà parce que c'était du Lennon, mais et qu'il me fallait un morceau de Lennon. Mais aussi parce que c'est une très jolie chanson d'amour, en fait. C'est évidemment, il a écrit ça pour Yoko Ono, et c'est... il y a un moment, il dit, parce que le ciel est bleu, ça me fait pleurer, et tout ça. Mais c'est, je trouve, en fait, ça fait débile, en fait, dit en français, traduit comme ça, mais je trouve que avec la musique, ça donne envie... je sais pas, ça fait... Ça fait voir en grand, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu pourrais crier à la face du monde, tu sais, avec un grand ça, c'est... T'aurais une sensation de... Pas de liberté, mais c'est de... Ouais, enfin, de liberté d'expression, tout ça, tu peux parler, tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux sans souci, c'est un peu un instant suspendu, quoi. Moi, c'est vraiment l'effet que ça me fait, cette musique. Et plus pour une chanson d'amour, quoi, c'est vraiment beau, quoi. C'est juste, c'est beau, c'est simple. Voilà, quoi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Tout est parfait dans cette chanson. Oui, bah pour moi, oui, bah je veux dire ça aussi pour beaucoup de titres des Beatles. Non, mais je veux dire après, si je décortique, ouais, pour moi, ouais, il y a tout qui est juste du début à la fin. Il n'y a pas un passage que j'aime pas, il n'y a pas une parole que je n'aime pas. C'est vraiment, c'est très aérien, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. C'est intense. Ouais, pour moi, c'est parfait du début à la fin. Cette musique, c'est pour moi, elle est parfaite, parfaite. Il y a quand même eu beaucoup d'autres titres mythiques sur cet Oui, album. bien sûr. Pourquoi Because en particulier? C'est sûr, j'aurais pu mettre autre chose, mais des fois, en fait, j'aime pas non plus mettre forcément les morceaux les plus connus. Genre, Come Together, elle est géniale, mais c'est évidemment que j'aime beaucoup de Come Together, mais voilà, c'est pas ma pépite à moi, quoi, de l'album. Il y en a beaucoup des comme ça. Il y a comme le titre caché de comment ça s'appelle, de Abbey Road, qui dure 1 minute 18. C'est une pépite aussi, moi, je trouve, ce truc-là. Et c'est son seul défaut, c'est d'être trop courte. 1 minute 18, ça va pas à la tête. Non, mais oui, mais pour moi, ça représente bien Lennon. Ça représente bien, ça cristallise bien, en fait, l'amour qu'il avait pour Yoko Ono. Pour moi, c'est juste. Il en fait pas trop. Enfin, il y a beaucoup d'effets sur cette musique. Même dans l'album, il y a beaucoup d'effets sonores. Non, c'est ça, c'est même en ayant ça, elle est quand même assez parfaite, je trouve. Elle est très très juste. Il y a un très bon équilibre. C'est ça, en fait, que j'aime bien dans ce titre-là, même si évidemment il y a beaucoup d'autres titres mythiques qui sont tout aussi géniaux, mais celle-là, elle est particulièrement équilibrée, et ça, j'aime beaucoup. Mais c'est quand même très triste. Non, je la trouve pas si triste que ça, en fait. Non, quand on y pense, c'est quelqu'un qui dit je t'aime, quoi. Bon, après là, j'ai plus les paroles en tête, mais c'est Love is all, love is new, love is all, love is you. Je sais pas, c'est l'amour est tout, l'amour c'est nouveau, l'amour est tout, l'amour c'est toi. Enfin, je sais pas, c'est je vois pas en quoi c'est triste. Il y a peut-être un côté un peu mélancolique, mais c'est même pas, quoi. C'est même Ça exprime pas de regret, ou ça exprime pas de non, c'est juste un instant qui c'est juste quelque chose de juste, justement. C'est Je dis un peu beaucoup juste. C'est que C'est pas un peu, c'est une sorte de lettre de rupture, mais envers les Beatles. pourquoi je non Bah, il quitte les Beatles pour Yoko Ono. après alors ça, c'est compliqué. Parce que non, non, parce que sans rire, en fait, il y a toujours des gens, c'est pas des fans, là, c'est des illuminés qui vont te dire, ah, c'est parce que machin, Théorie du ouais, il y a toujours des complot. théories du complot parce que machin a fait partie de ceci. Et on dit beaucoup que c'est à cause de Yoko Ono que les Beatles se sont séparés. Il y a aussi, apparemment, il y aurait Linda McCartney qui aurait aidé, mais bon, il y avait Harrison. Ah, les gonzesses. Voilà, mais il y a Harrison et Ringo Starr qui auraient aussi, je sais pas, à un moment ils avaient un peu quitté le groupe temporairement parce qu'ils en pouvaient plus. Ils étaient toujours, depuis des années, ils étaient quasi H24 ensemble, et puis ils avaient envie d'exister. Certains, surtout Harrison et Ringo Starr, ils avaient aussi envie d'exister en tant qu'eux-mêmes, quoi. Puis il y a aussi les femmes, c'est sûr, qui ont fait que. Enfin, après, bon, c'est mon explication à moi, mais après, t'as toujours les femmes qui ont fait que qui les poussent peut-être à avoir leur indépendance, comment dire, s'affirmer un peu. Mais après, voilà, c'est pas, je trouve pas ça triste. J'imputerai pas la séparation des Beatles juste à ça. C'est pour voilà, quoi. Fallait un peu d'air, quoi. Bon, après, c'est dommage qu'il n'ait pas pu se reformer avant. Je répète à cause de cette espèce de connard là qui mais voilà, mais après, non, mais sinon, c'est l'idée, franchement, ça aurait pu se faire. Je crois qu'il avait dit d'ailleurs que ça aurait pu se faire, mais voilà, ben, c'est la fatalité a fait que. Mais non, c'est pas triste pour moi, c'est pas triste, c'est juste voilà, c'est quelque chose d'évident, c'est beau. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire de plus. Je trouve pas ça triste. Bon, et sur ces quelques mots, on va retourner aux Unitades States of America, fuckier. Avec le plus célèbre des aveugles du monde, et je ne parle pas de notre Gilbert Montagne national, mais bien de Ray Charles, en duo avec la chanteuse de jazz Didi Poe. Bridgewater. Ouais, Didi Bridgewater, ouais, d'accord. Un duo enregistré en 1980, CCD, j'ai mal copié-collé, sur l'album Victim of Love, Precious Things. Ah, j'adore cette intro. Elle a quand même une super voix. Elle a... Ah, mais ça marche très bien. Ah oui, mais c'est... La voix de Didi Bridgewater a une puissance, c'est, mais elle peut être aussi super douce. Quoi. Elle contrôle super bien sa voix. Ça, je suis impressionnée quand j'écoute ce morceau. Et bah après Ray Charles, il a déjà une voix qui est un peu vieille, qui chante pas toujours juste, mais elle est chaleureuse, quoi. T'as l'impression qu'il prend un plaisir pas possible à aller sur ce morceau-là. Enfin, il y a de l'émotion dans sa voix, mais j'adore ça. Alors là aussi, c'est un titre de... C'est la première fois où j'ai entendu Didi Bridgewater, mais c'est aussi la première fois où j'ai entendu Ray Charles. Et c'est celle, et ça aussi, ça me fait dire putain, mais j'adore ce mec, j'adore Ray Charles. Et il est mort la semaine d'après. Non, pas la semaine d'après. Il est mort à peu près en même temps que Nina Simone d'ailleurs. C'est triste année pour le jazz à cette époque-là. Bon, déjà, je connaissais un peu plus que Nina Simone quand il est décédé. Je connaissais un peu plus certains de ses titres, même si je connais pas non plus très très bien. Je connais pas encore super bien, hein, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il avait lui aussi beaucoup de talent. Et je me souviens d'avoir écouté ça, surtout dans la voiture, parce que ma mère avait un intégral, une compile plutôt, des années 80. Et il y avait notamment celle-là, c'était une de celles que je préférais de l'album, et ma mère aussi d'ailleurs. Donc, j'aime beaucoup ce dialogue-là. La musique qui est vraiment un dialogue. Pourtant, je suis pas une grande fan du son 80. Ça, c'est pas le son que je préfère. Mais là, ça passe tellement bien. Tellement plaisir. Et là, sans voix. J'adore le plaisir que Ray Charles a l'air d'avoir sur ce titre, mais c'est tellement du bonheur en fait. Ce qui est terrible ou vachement génial, c'est vraiment génial avec Ray Charles, c'est qu'on a. On n'a que des images de lui où il sourit, où il rigole. Mais oui, c'est même le mec, il est aveugle, il est devenu aveugle par la suite, et je crois qu'il n'avait pas eu, en tout cas... C'est quasiment, non, à quoi, 7 ans, un accident, il est devenu aveugle, comme ça. Ouais, voilà, donc c'est le genre de truc qui te met pas, on va dire, dans de bonnes conditions, ça pourrait te faire déprimer, mais même après, je crois pas qu'il ait eu non plus, à part ça, un début de vie très... Très joyeux, je crois pas, mais je connais assez mal la vie de Ray Charles. Disons que Ray Charles, noir aux États-Unis, on est dans les années 30, c'est peut-être pas super super génial. Ouais. En plus, je sais même pas d'où il venait exactement, mais s'il vient du sud des États-Unis, ça devait être un petit peu la merde. La Géorgie. Ah bah oui, donc c'était bien la merde. C'était pas terrible, hein. Non, quand c'était noir, c'était pas une bonne idée d'être en Alabama, Géorgie, Missouri, tout ça. C'était pas non. Fallait mieux pas. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ce mec, il a pas une vie facile, il est aveugle et tout ça, mais putain, mais il a la banane, il transcendait en fait par la musique, c'est quelque chose de génial. C'est franchement, si ça donne pas le sourire à quelqu'un en entendant ça ou en voyant Ray Charles et tout ça sourire comme ça, mais je sais pas ce qu'il lui faut, parce que franchement, moi, ça te fait, c'est du baume au cœur, là, ça fait plaisir Franchement, c'est un plaisir à voir quelqu'un de souriant, qui a l'air optimiste comme ça et qui, en fait, il en a bavé, putain. Il en a bavé. Et voilà, c'est juste beau. Il est quand même décédé en 2004, 74 ans. 74 ans, putain. Ouais. Ah, quand même, 2004, ouais. Mon Dieu, ça fait plus de 10 ans qu'il est mort. Ah, mon Dieu. Je vis avec ce fardeau-là. Ah tiens, pourquoi un duo et pas un titre solo? Après, c'est... Pourquoi pas Didi toute seule ou Ray Charles tout seul? Bah pour moi, Didi Bridgewater, c'est je connais encore, je connais vraiment très très peu. Hein. C'est C'est honteux, c'est pas bien. Oh là je là là là. sais, Wikipédia. je sais, je sais. Mais bon, après, c'est pour moi, c'est vraiment, je crois que ça sera toujours associé en fait à ce duo-là. Après, bon, comme j'ai dit, Ray Charles, j'ai découvert comme ça, quoi. J'ai découvert sur une compile des chansons d'amour des années 80. Oh Alors là qu'il là là était. là, oh le truc de Midinette. Ah, mais non, mais le pire, c'est que t'avais. C'est que dans ce truc-là, t'avais énormément de. C'est pas. Avec Ghost, avec Patrick Non, Swayze, attends. Dirty Non, t'avais pas Dirty Dancing. Dancing, ça c'est certain. T'avais pas Dirty Dancing, mais t'avais. Non, t'avais beaucoup de trucs. Je crois que t'avais la musique de. Bagdad Café, c'est ça? Le film. Ouais, Voilà. T'avais c'est. celle-là, t'en avais. Stand by me, enfin la reprise. Doum, doum, doum, doum, doum. Oui, ça c'est vachement bien la bouche. Ah ouais, c'est vrai. Mais voilà, non mais la compétition, sans déconner, elle était pas trop mal, hein. Bah, pour qu'il y ait ça, c'est que elle devait pas être trop mal. Pour qu'il y ait Precious Things, elle était pas mal. Bagdad Café, c'est Calling You. Ah voilà, Calling You. Bob Telson. C'était bien aussi comme ça. Ah oui. Le film était bien aussi. Ah bah j'ai pas vu le film après, mais bon, la musique elle est quand même très belle. Hein. C'est. Bon, vraiment, y a rien à dire. Mais voilà, donc Ray Charles, c'est pareil, j'ai eu découvert comme ça, et après c'était Georgia et tout ça. Ah oh, putain, c'est beau. C'est ce mec. Tu me manques, Ray, tu me manques. Ouais, voilà, non, mais bon, c'est aussi, c'est. Faudrait que j'écoute plus, ça c'est vrai, il faudrait que j'en écoute plus du Ray Charles, mais bon, c'est. Quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué quand il est mort et quand j'ai écouté aussi, ça m'avait la première écoute, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, voilà. Je pouvais pas le mettre non plus. Non, mais je te comprends, c'est compliqué de faire une playlist de 10 titres. Ouais, surtout que j'en avais prévu 12 après le pilote, hein? Voilà! Oui, bah, on change, on évolue, on fait des choses Non, mais différentes. Je suis désolé. t'imagines le crève-cœur que ça a été? Oui, c'est fait exprès. Sadique. Je sais. Remarque, moi je suis dans Queen Novi, j'aurais dû le savoir. Oh, depuis le temps. C'est vrai. Il faut que je te rebisute encore cette année. Oh non, ça va, comment ça suffit? On Non, ça suit. suffit. Bon, allez, dixième et dernier titre. On retourne à. Bah, non, en fait. On va en Suède. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et C'est bizarre. oui. Donc, on va en Suède avec The Tallest Man on Earth, oui, c'est son pseudo, avec un titre de l'album The Wild Hunt, sorti en 2010, Love is All. Oh mon Dieu, ça fait toujours rêver ce genre de musique. Ça me fait penser justement à l'Islande, ou des paysages un peu de steppe, tu sais, avec une herbe un peu pas verte, des herbes hautes un peu brunes, des arbres. Ah putain. Ça fait un voyage en même temps. Ah oui, mais ça, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore la. C'est en partie pour ça que j'adore la folk. C'est pour moi, ça me fait vraiment la folk. C'est ça, quoi. Simon Garfunkel, c'est pareil, quoi. C'est quelque chose qui me ferait. Simon Garfunkel, ça fait peut-être parfois un chouïa plus urbain. C'est-à-dire, des fois, j'imagine New York en gris. Hein, c'est un peu mélancolique. Ça aussi, c'est un petit peu mélancolique, mais pas de la même manière. C'est beaucoup plus grands espaces. Ah, lui, il a une voix très très spéciale. Ça, j'ai découvert, mais complètement par hasard, mais c'était un gros coup de cœur aussi. En fait, pour l'anecdote, je suis sur Twitter le David Morrissey, donc l'acteur, qui a joué par exemple dans The Walking Dead, le gouverneur, mais qui a aussi joué dans Doctor Who, dans putain, comment ça s'appelle? The State of Play, donc c'est un acteur anglais. Ah, comme c'est étonnant. Voilà. Mais qui, apparemment, il vit, je crois... Enfin, il a beaucoup de liens aux États-Unis. Je crois qu'il est marié à une Américaine, de toute façon. Et ce mec, en fait, est un fan de musique. Et un jour, il tweet ça. Il tweet ce truc-là. Je me rappelle même plus du tweet, ce qu'il dit. Il dit juste, grosso modo, que c'est génial. Alors moi, je tombe par hasard sur ce truc-là. J'écoute et c'est... Bah, c'est pas ce titre-là. C'était Troubles Will Be Gone. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à la mettre. Et j'écoute ce Troubles Will Be Gone. Et c'est... Oh putain, mais c'est tellement cool. Mais c'est vraiment la révélation, quoi. C'était... Et donc après, c'est... j'écoute ça en boucle, boucle, boucle, boucle. Et après, je découvre l'album et je l'écoute. C'est quelque chose aussi que j'écoute très régulièrement. Et en fait, j'aime tellement ce mec que quand j'ai vu qu'il était en concert à Manchester, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'y suis allée. Et c'était il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. C'était fin octobre, le 23. Mais c'était... je savais même pas qui allait y aller. Et c'est à peu près quand je suis arrivée donc à Manchester, je voyais qu'il y a ce concert. C'est « Oh putain, me le faut !» J'avais raté Art Garfunkel à Liverpool. Non, c'est bon, là, ça va. Ça va, moi, pas... Je vais pas en louper deux comme ça. Donc là, c'était... Mais là, c'était à Manchester, donc c'était plus pratique. Voilà, donc j'y suis allée. Et mon Dieu, c'était absolument génial. Je sais pas si vous pouvez trouver des versions, des extraits de son concert, peut-être pas à Manchester, mais ailleurs. D'ailleurs, il sera à Paris, mais je me rappelle absolument plus la date, je suis absolument désolée, je crois que c'est en 2016. Et c'est... mais c'était vraiment génial. C'était... il avait énormément d'énergie dans son jeu de guitare, il y a une voix qui peut être aussi très puissante, mais aussi très douce. Il y a une voix très éraillée qui est assez spéciale. Maintenant, elle s'adoucit de plus en plus, mais elle reste quand même super belle. Et il y a un moment, il joue ce morceau-là et tout le monde devient dingue parce que voilà, c'est un des titres phares du deuxième album. Je crois que c'est son deuxième. Et voilà, et il arrive à mettre une ambiance qui était absolument géniale. C'était magique. Et il y a tout le monde qui chante en même temps. Et c'était donc moi la première. Hein. mais c'était vraiment très beau. Et j'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont rebutés par le côté très, très, très, très, très éraillé de sa voix. Alors moi, c'est. Moi, j'en redemande. Ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur niveau folk. J'aime bien aussi la musique un peu... Des fois, j'aime bien la musique brésilienne, un peu chaud, tout ça, mais j'aime bien aussi la musique un peu... qui fait un peu nordique, quoi. Même du côté de l'Islande, il y a des trucs... les Islandais font parfois des trucs dans le même genre Of Monsters and Men. Ça fait un peu froid, ça fait un peu... viking, si vous voulez, un peu celtique, tout ça, mais c'est... Enfin, celtique. Folklorique, mais voilà, c'est grands espaces, c'est beau, quoi. C'est pareil, c'est juste le temps s'arrête et puis après tu contemples, quoi. Tu prends le temps de vivre, tu prends le temps d'apprécier. Voilà, tu parles, je pouvais pas le pan même non plus, et c'est juste beau. Donc, David Morrissey m'écoute un jour, mais merci, putain, vous avez pas idée à quel point ça vous avez tweeté ça, vous avez pas idée à quel point ça me fait du bien. Oh putain, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, apparemment, il va jouer en 2016 à Amsterdam, Luxembourg, Lisbonne, Madrid, Valence, Barcelone, Genève et Tourcoing. Oui, le 3 février à Tourcoing. Je crois, mais il a une date à Paris aussi, je crois, mais c'est peut-être fin d'année. Je suis sur son site, non, il n'y a pas. Il n'y a pas ? Ça va jusqu'au 13 février, 16 février à Munich. Non, c'est Tourcoing. D'accord, bah, si vous voulez faire le déplacement jusqu'à Tourcoing, bah allez-y. Hein, c'est, je sais pas pour la vie, là, mais pour le concert, ça vaut le coup. Non, bah, c'est vraiment, en plus, en première partie, il y avait... Ah putain, il y avait un joueur américain de blues, tout ça. Le blues du sud des États-Unis, hein, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment très très bon. Hein, je vous invite très très très très très très très très très très très très très très très très fortement. Écoutez, voilà. Je pense qu'il y a toute une playlist à écouter, en fait. Oui, bon, c'est un peu le but. Oui, voilà, il y a toute ma playlist à écouter, mais vraiment, c'est... Excusez-moi, je m'étouffe. Bois un thé à la menthe. Ah ben oui, pour... en Angleterre, c'est raccord. Mais non, mais vraiment, c'est... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas super connu, alors que bon, il fait quand même des tournées un peu partout dans le monde. Je crois qu'il est passé au Saturday Night Live ou je sais plus, un talk show américain. Mais en France, j'ai pas l'impression qu'il est si connu que ça, et c'est j'en croise pas beaucoup des gens qui connaissent. C'est vraiment dommage, c'est parce que c'est vraiment très bon. Et j'ai envie d'aller en Islande et en Suède, et puis voilà quoi, c'est tout. Oui, c'est... Non, mais après l'Angleterre, c'est bon, t'es moins loin. Bah, j'ai une coloc qui veut se faire un week-end en Norvège, donc techniquement c'est faisable. Oh les jeunes. Non, c'est pas moi, hein, c'est... Bon, là on va arriver à la partie difficile de l'émission. Et peut-être même avec ce titre très, très spécial. Assez space, hein. Enfin, c'est le titre de la honte. Ah, ça fait alors, tâche à côté, hein. C'est la tradition, je ne donne pas le titre, c'est toi qui vas le donner. Alors, c'est quoi le titre? Alors, je suis désolée, mais alors, c'est vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, j'ai mis en titre de la honte du Miley Cyrus, et oui. Party to, Party to the USA. Ah, bah, t'as dit titre de la honte, je sais faire. Ouais, de la soupe. Ah, mais ouais. C'est de la soupe, mais je le sais, mais c'est. C'est. Il y a des fois, je sais pas, au niveau de la musique, il y a des fois quelques trucs pas trop mal, quoi. Bon, je parle pas tant des paroles qui sont sans intérêt. Elle peut avoir une bonne voix si elle a une bonne musique et des bonnes paroles. Et pourquoi j'ai mis ce titre-là? Parce que c'est un peu une des idoles de mon... Enfin, pas de moi, hein, mais moi, je... Non, c'est pas moi, c'est ma copine, mais... Qui est exactement mon âge, qui est exactement le même jour, qui est exactement la même tronche que moi. C'est ah merde. non, c'est moi, je l'aimais pas vraiment, hein, quand j'étais adolescente, quand j'avais 14 ans, tout ça. Mais bon, moi j'étais tombée, j'ai regardé un peu Anna Montana sans grande conviction. C'est un peu, bah, c'est une idole de jeunesse, quoi, enfin de ma génération. Hein. Et comme l'a été Britney Spears dans les années 90. Et pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, le cas Miley Cyrus, il me fascine. Pour moi, le changement comme ça, c'est presque un changement de personnalité à ce stade. Hein. C'est... Je sais pas, il y a un côté fascinant, mais ce virage, même, c'est même plus 180 degrés, là. C'est, elle a fait deux tours complets sur elle-même, là. C'est... Je sais pas, pour moi c'est jamais vu à ce point. Il y a eu Britney Spears, il y a eu Justin Bieber, mais jamais à ce point en fait, j'ai pas l'impression. Donc moi je trouve son évolution assez fascinante. Peut-être un peu minable aussi, mais. Enfin minable. Peut-être un peu déconcertante, mais je la trouve fascinante. Des fois je sais pas, c'est. Des fois je me. Il y a des périodes où je me penche un peu plus sur ce qu'elle a fait, j'essaie de me dire, je pense, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Et des fois, et dans ces périodes-là, je reste toujours scotchée sur ce clip-là, qui était vraiment la période où elle a quitté Disney, donc elle a toujours son côté sage, un peu soupe commerciale. Mais là, elle commence à devenir un peu plus sexy, là, elle a des shorts assez courts, elle danse de manière un peu plus sexy, etc. Mais c'est pas encore le changement radical. Et voilà quoi, c'est. Et connement, je me fais avoir parce que c'est entraînant. Voilà, connement, je me fais avoir. Mais je sais que c'est pourri, hein. Je sais que c'est de la merde. Mais voilà. Mais c'est tellement. C'est une fascination morbide à vous. On peut dire ça, tu peux dire ça si tu veux, mais après c'est, mais son cas c'est tellement quelque chose d'à part que ça défie toute logique pour moi en fait. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai mis donc Miley Cyrus en titre de la honte. J'ai hésité avec d'autres titres, mais bon ça c'était. Mais tu voulais un titre de la honte, donc j'ai mis un titre de la honte. T'as gagné plein de crédibilité tout au début de l'émission avec tous ces titres, il a tout d'un coup. Ah bah qu'est-ce qu'on, tu sais ce qu'on dit, hein, l'exception qui confirme les règles. Oui, tout à fait. Oui, bah, c'est fait exprès d'ailleurs. Hein. Faut bien se terminer avec un petit peu de la honte. Ah bah ouais, bah de toute façon c'était un peu le concept. Non, mais ça va, tu as quand même de bons goûts musicaux, donc je pense que ça équilibre. Merci. Enfin, pas plus d'une honte pour 10 titres, sinon après, il y a trop. Ah bah oui. Donc voilà, la playlist est finie. C'était difficile comme moment, hein. C'est pas évident de faire les 10 titres. Ah non. Non, c'était assez compliqué. En plus, j'ai pris un temps fou pour faire que ça matche bien au final dans comment dire, une fois que tu auras fait la playlist YouTube, Spotify, tout le bordel. J'ai pris un temps fou. voilà. Non, parce qu'en fait, je lui ai dit en mail, tu peux me garder l'ordre, s'il te plaît, parce que j'ai mis du temps à le faire. Plus souvent comme ça. Ah, quand elle écrit en majuscule et comme ça, vaut mieux l'écouter. Voilà. Faut pas chercher. Non, des fois, je peux faire peur. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais... Et par mail, c'est très fort. Voilà. Avec des trucs écrits en majuscule, ouais, c'est pas mal. C'est... Quand il y a une parenthèse et qu'il y a une majuscule et que c'est un mode musical, il faut l'écouter. Absolument. Il n'y a pas le choix. Ben voilà, j'essaie de m'affirmer quand je veux. Sinon, à part ça, on te retrouve où sur Internet? Déjà, on retrouve... Je sais pas si tu le sais, mais on retrouve dans un podcast qui s'appelle Queen Novi. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est... Pas du tout. Non, c'est quoi? Écoute, c'est un podcast où il y a des spéciales meufs. Il n'est pas encore sorti, mais il va bientôt arriver. Oui, voilà. Bah, de toute façon, il est déjà passé en live, donc c'est pas un secret. On me retrouve sur Queen Novi, et c'est... Ah, donc c'est Barberousse qui dirige un peu tout ce bordel. Tout ce joyeux bordel. Donc, voilà, on me retrouve là. On me retrouve... on me retrouve sur beaucoup de podcasts de Fresh Pods. Voilà, on va faire simple. Bof, j'ai été dans des lâchés vocals, dans des quoi qui se passe, dans des éclaireurs, dans des hors cadres. Partout. Partout dans Fresh Pods, attention. Hein. Ah non, mais c'est le top du podcast francophone, je dis. Ah ouais, non, mais je dis pas le contraire. j'ai jamais dit le contraire. Voilà. Et donc on me retrouve là. Après sur Twitter, c'est @musica_du_mn. Voilà. J'ai aussi des podcasts perso. J'avais notamment le son anglais que j'ai jamais refait, il faudrait, honte à moi. Le son anglais, donc, qui était un podcast où je m'attardais sur pendant 5 minutes sur une musique ou sur le dernier que j'avais fait, c'était sur le premier court métrage de chez Disney. Des trucs du genre, mais la musique elle reste quand même très importante. Et j'ai aussi un autre podcast que j'ai pas repris non plus, mais ça c'est pour des raisons techniques et des raisons évidentes parce que j'ai déménagé outre-Manche. Donc ça s'appelle Bookshelf et ça parle de livres parce que j'aime beaucoup les livres aussi. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai sur les autoroutes de l'interweb, comme dirait Randall. J'ai eu très peur. Tu nous as parlé du son anglais. J'ai cru que tu nous as nous faire le British Bookshelf. Ce sont encore anglais dans le titre, mais non. Ah, c'est pas con. Faudrait que je fasse une sélection de livres anglais. Ah, tu me donnes une bonne idée. Je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça, je veux dire rien. Ah, mais... Là, tu pourrais relancer ton podcast. Tu pourrais enregistrer et ouais, tout. Ouais, il faudrait déjà que je réinstalle le logiciel qu'il faut, en fait. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais je le ferai peut-être cette semaine. Donc, ça sera bien. Mais bon, voilà. Et sinon, nous, on joue les bonus. C'est surtout un lien vers la playlist sur Spotify qui est passée ce soir dans l'émission. Vous pouvez la retrouver dans le billet de l'épisode. Je gagne rien avec Spotify. Hein, juste parce que c'est comme ça que c'est assez pratique. Bon, alors malheureusement, comme dans toutes les plateformes électroniques, bah il y a pas tout sur Spotify, donc je mets les titres qu'il y a et les versions les plus proches quand c'est approchant, sinon bah je mets pas. Donc parfois, au lieu d'avoir des playlists de 10 titres, vous en avez des 5 ou 6. Ouais. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ah, désolé, notamment Radiohead, c'est quand j'ai fait le truc. Ah, va être compliqué, ouais. Oui. Mais comme à l'époque, ils ne faisaient pas de playlist Spotify, je n'y avais pas pensé. Mais c'est comme Thom Yorke a supprimé tout ce qu'il y avait de Radiohead sur Spotify et tout de sa carrière solo. J'avais pas pensé à ça. Que bah, je suis... bah, c'est pas grave, vous pouvez les retrouver ailleurs, vous êtes grand. Voilà, bah, de toute façon, vous aurez tous les titres. Donc, voilà. Il y a tous les titres, il y a tout ce qu'il faut. Demeurez-vous sur YouTube, il y a ce qu'il voilà. faut. Voilà, hein. Vous savez écrire, vous êtes grand, vous savez faire un copier-coller, donc ça va très bien. Voilà, je me fais déjà toucher à rentrer à la main. Là, enfin, voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur @la playlist, sur Twitter, @la_playlist. C'est bien, j'ai pas obligé notre PDC à la fin. Et si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à barberousse@gmail.com et puis on se démerdera. C'est un peu bouqué en ce moment, il y a du monde qui suit, mais on va se débrouiller. Et sinon, on va finir avec un titre libre de droit. Donc tu avais un choix parmi tout un site complet de titres libres de droit qui sont bien et tu as fini par en choisir ouais, un. Ouais, que j'ai tout écouté. J'ai écouté toutes les trucs, toutes les pages là. J'ai écouté toutes les pages que Barbarous m'avait données. Mais bon, y en a qui se lançaient pas, c'était des connards. Mais oui, j'en ai quand même choisi une et c'est vraiment celle que je préfère. J'aime beaucoup l'ambiance que ça. Je sais, c'est. Alors je me rappelle plus. Moi je vais le donner, puis après on va se dire au revoir. Donc on va s'écouter Silk Road sur l'album Distance et Temps de Manu Cornet. Vous écouterez, bah, c'est du jazz tranquille français. Oui, et c'est aussi un peu. C'est un peu latino aussi. Bon, eux ils mettent. Je crois qu'ils mettaient flamenco, etc. Flamenco latino dans le genre. Bon, le flamenco j'ai pas trouvé, mais le latino. Un peu, ouais, c'est à la guitare comme ça. Quand je disais que j'aime la voix en musique, quoi, c'est. c'est. Non, mais ouais, j'aime beaucoup, c'est reposant et ça fait un peu. Ça fait un peu voyager, ça met un peu de chaleur. En plus, avec la flotte qu'il y a en Angleterre, ça va bien. Oh, c'est cliché, ça. Ah, c'est cliché, mais bon, là. C'est vrai. Il faisait moche. Là, il faisait moche, il y avait du brouillard, il avait plu quand je suis rentrée hier soir, la nuit, donc ouais. Donc c'était cliché, mais c'était vrai. tu réécoutes du Stan Getz et du Joao Riberto d'Oralis, et puis voilà, tu vas avoir du soleil dans les oreilles. C'est vrai. Là, j'avais écouté du podcast, mais ouais, c'est vrai. Donc on va se quitter avec Silk Road sur l'album Distance et Temps de Manu Cornet. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Coucou maman, si tu m'écoutes. Tu vas pas le faire à chaque épisode, quand même. Non, mais le pire, c'est qu'elle va vraiment écouter. Donc... Ah bah oui, c'est... Voilà, je lui dis que je fais ça. Ma fille est passe, ma fille, elle est formidable. Ah, c'est bien, t'as bien été éduquée, c'est bien. J'ai la même. J'ai la même à la maison. Bref. C'est ça. On vous salue, puis on vous dit à la prochaine fois. Eh oui, salut.